Enfin, la journée de travail est finie. À présent, c'est la nuit. Je ne suis pas seule dans ma chambre, puisque je suis avec vous, par l'esprit. Une information que je viens de lire dans un journal algérien m'a causé une profonde amertume. À Oran, la police a opéré une rafle d'immigrés africains pour les renvoyer à la misère et à la guerre dans leur pays d'origine. Et voilà, la générosité n'est nulle part de ce monde, quelle que soit l'histoire et la religion. Je ne parviens pas à discerner quelle perversion amène l'être humain, après avoir subi un outrage, à refuser son aide à un semblable, ayant souffert un outrage identique. Et pourtant, le premier se proclame bon citoyen et bon religieux. Chers parents, chères sœurs et frères, je sais que ce genre de propos vous attriste, mais ne vous dérange pas. Maman nous a appris à ne jamais devenir aride en fermant notre cœur devant ce qui choque l'égalité et la solidarité. Pour revenir à moi, sachez que ma chambre est jolie, afin d'en éloigner toute mélancolie. Elle est malheureusement un peu chère, étant donné mon salaire. C'est la loi des propriétaires. Mais je préfère sacrifier ainsi une partie de mon revenu plutôt que de résider dans les habituels ghettos horribles où se réfugie la majorité des EC. Ces lieux ressemblent trop aux tristement fameux ghettos du temps où les Juifs étaient les Palestiniens des Européens. C'est encore toi, maman, qui m'a enseigné cette manière de voir. Si l'iniquité sociale peut condamner à la pauvreté, il reste une chose précieuse que personne ne peut nier à cette victime, sa dignité. Ah, si la majorité de ces malheureux en était convaincue, ils ne seraient plus des vaincus. En ce qui me concerne, mon employeur croit m'accorder un salaire juste, selon, dit-il, ce qu'il appelle la loi du marché. Pour moi, le marché ne devrait concerner que les marchandises. Deux motifs m'ont dissuadé de lui exprimer ma conception, de ne pas perdre mon travail, et la conviction que, pour lui, je ne suis que cela, une marchandise. Malgré cela, je veux dire, malgré toutes les laideurs des rapaces spéculateurs, Rome est, du point de vue de la nature, un paradis, vraiment un paradis. Il me faudrait être poète pour la décrire. Elle est entourée de délicieux lacs profonds. Ils sont des perles bleues autour de son cou. Les yeux sont enchantés par des collines verdoyantes, où la vigne répand généreusement ses teintes charmantes. Chaque saison offre ses produits et ses beautés, ses arômes et ses bontés, ses concerts d'oiseaux rassasiés. Le ciel est le plus souvent d'un bleu doux qui caresse les yeux. Et les couchers de soleil ont des couleurs d'une splendeur qui enchante l'âme et acclame l'harmonie et la magnificence de notre planète. Je savoure tous ces cadeaux gratuits comme des baumes sur les blessures de la vie. Souvent, durant mon jour de repos, le lundi, et quand le temps est beau, je vais contempler les vagues bleues de notre Méditerranée. Assis sur le sable qui me rappelle celui de notre désert, je songe, perplexe, à ce qu'est la société humaine. Je me trouve de ce côté de cette espèce de grand lac, et, de l'autre côté, à Oran, vous vivez, ô mes chères mères, pères, sœurs et frères, et vous aussi, mes amis. Je voudrais avoir des ailes pour voler et aller partager avec vous quelques moments de bonheur. À cette évocation, à ce désir, mon cœur est, alors, scindé en deux. Une partie jouit du calme flux et reflux des ondes, tandis que l'autre partie saigne de votre absence. Mais cet été, ah, cet été, je vous prie de me pardonner. Je crois que vous allez pleurer. Je n'arrive plus à voir la mer. Je m'efforce même de ne pas y penser. Trop de cadavres d'immigrés la remplissent. Hommes, femmes, jeunes, vieux, gamins, bébés, provenant de plusieurs pays. Chaque soir, je les vois sur la télévision qui se trouve dans la cuisine du restaurant où je travaille. Je ne peux éviter de regarder cette hécatombe, ce génocide, cet holocauste. Et l'auteur de ces exterminations, ce n'est pas la mer, comme on le déclare ici, ce sont les lois des peuples riches. Comment ignorer ces crimes sans en être complice? Avoir dans les yeux, soir après soir, des cadavres de tous les âges, entendre égrener le chiffre des noyés, imaginer leur terreur à l'approche de l'affreuse mort, leur horrible agonie, le corps violemment ballotté par les flots inexorables, la bouche tout ouverte, sans pouvoir crier pour un secours qui, de toute manière, n'existe pas. Les yeux effarés fixant un ciel impitoyable, l'ultime souvenir des êtres chers quittés pour toujours, le père et la mère ou l'épouse et les enfants qui n'auront pas le coup de téléphone de l'arrivée sain et sauf, l'eau qui envahit et remplit les poumons, les bras qui s'agitent désespérément en soubresaut dérisoire, et, en même temps, savoir qu'on a seulement 20 ans, 30 ou 40, et mourir ainsi, seul, alors qu'on cherchait à vivre. J'aurais pu être un de ces noyés. Souvent, mes yeux se gonflent de larmes. Elles coulent jusqu'aux lèvres, me rappelant atrocement la saveur de la mer. Est-il un cœur, l'organe qui apprend cette horrible tragédie sans être bouleversé? Une image ne me quitte pas. Je la vois même dans l'eau savonneuse des assiettes que je lave dans la cuisine du restaurant. C'est la photo d'un tout jeune gamin d'à peine 5 ans. Son visage est beau, bien proportionné, mais son corps est maigre, les jambes un peu arquées, les pieds nus sur le sable. L'enfant est sur la plage, où il a débarqué de ce qu'on appelle une charrette de la mer. Ses parents ont disparu, engloutis parmi d'autres. Chacun des quelques rescapés porte une veste orange de sauvetage. Vous vous rendez compte? Affronter la mer sur une barque qui ne devrait ne pas contenir plus de 20 personnes, et se trouver dessus au nombre de 50 et plus, avec seulement une veste de sauvetage, et naviguer clandestinement. Non pas quel courage, mais quel immense et effroyable désespoir pousse à une telle folle entreprise. On admire Ulysse et son Odyssée, et ses immigrés clandestins. Qui sera le poète qui en écrira le récit épique, où les responsables ne sont pas des dieux ridiculement féroces, mais des êtres humains qui se prétendent l'exemple de l'humanité? Sur la photo, oh, les yeux du petit enfant. J'en ai vu des yeux bouleversants, mais ces deux yeux-ci, effarés, effarants, les yeux d'Abel devant Caïn, les yeux d'un enfant juif devant un four crématoire, les yeux d'un enfant palestinien face à un char israélien, les yeux de tout enfant du monde fixant le canon de fusil du soldat assassin. Ces yeux exprimaient toute la peur, toute la stupeur qu'un être humain peut manifester. Il ne comprenait pas le monde qu'il regardait. Que deviendra cet enfant immigré et clandestin? Cette version contemporaine de Gavroche et d'Oliver Twist, cet enfant condamné comme Jean Valjean à la clandestinité. Et s'il tourne mal, qui en est responsable? Ses parents qui ont tenté de le sauver du malheur en périssant, ou ceux qui veulent l'y maintenir en se déclarant innocent? La contemplation, l'image, la pensée de la mère chérie me sont devenues insupportables. Les vagues de la plage me paraissent d'immenses larmes, gémissant d'être transformées en linceuls. Le magnifique ciel bleu de jour et les splendides étoiles nocturnes me sont devenues difficiles à admirer. Je les vois avec le regard de celui dont la barque a chaviré. Un vers que j'avais écrit et accroché dans ma chambre avant de partir, moi aussi, me revient en mémoire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. qu'écrirait Baudelaire aujourd'hui ? Probablement ceci. Hommes et femmes, au cœur de requins, comment acceptez-vous que la mer soit un tombeau pour qui a faim de dignité et de pain ? Chaque fois ressurgit la même lancinante question dans mon esprit. À l'époque nazie, les gens se sont excusés des crimes contre l'humanité en déclarant « nous ne savions pas ». Mais aujourd'hui, ils sont informés des tragédies de l'immigration clandestine. Ils savent. Les journaux et les télévisions sont quotidiennement pleines de photos et d'informations. En verrouillant les frontières, en hissant des murs et des fers barbelés sur terre, en patrouillant avec des navires sur mer, en surveillant l'espace à partir de satellites dans l'air, pour empêcher la venue des victimes de l'oppression et de la malnutrition, ne s'agit-il pas, aussi, de crimes contre l'humanité ? Et les citoyens qui permettent à leurs dirigeants d'agir ainsi, sont-ils innocents ? Quand les lois civiles contredisent les exigences de la solidarité, ces lois sont-elles à respecter ? N'est-ce pas un droit, et même un devoir, de lutter contre leur modification, sinon leur abolition, pour créer des règles conformes à la raison, à la justice, à une digne humanité ? Antigone, Antigone, où es-tu ? Qui ensevelira le frère, laissé pourrir dans la mer, par son frère orgueilleux et fier, commandé par les créons de la terre ? Mais qu'est-ce donc que cette partie de l'espèce humaine qui refuse le secours à l'autre partie en danger ? Qu'a-t-elle d'humain ? Pourquoi manque-t-elle d'empathie et de pitié ? Comment peut-elle employer le verbe « aimer » et le substantif « bonté » ? Comment peut-elle se regarder dans un miroir ? Comment peut-elle se targuer d'être civilisée, de croire en un Dieu de charité ? Enfin, tous ces gens qui refusent leur aide, pourquoi s'étonnent-ils quand ils apprennent que certains désespérés, constatant l'insensibilité des nantis, choisissent une autre tragédie ? Au lieu de s'embarquer sur une chaloupe incertaine, avec le risque de mourir, ils préfèrent risquer cette mort d'une autre façon, en rejoignant ceux qui combattent, les armes à la main, contre ce qu'ils appellent l'Occident. N'est-ce pas ainsi que la haine engendre la haine, que les semeurs d'indifférence récoltent la tempête de la violence ? L'oublie-t-il ? Par trop d'inconscience ou par trop d'arrogance. Quand j'exprime ces observations, ici, je fais grincer furieusement des dents à ceux qui ne connaissent pas ou ont oublié la signification des mots « justice »,« respect » et « solidarité ». Par contre, il y a des personnes qui comprennent et partagent mon opinion. Elles sont ce qu'on appelle les « justes » de ce peuple. Dommage qu'ils soient minoritaires. Excusez-moi, j'ai trop mal à la tête et, peut-être, je vous ai causé le même malaise. Trop de questions sans réponse. Je n'arrive plus à continuer à penser, à écrire. Je suis certain que vous me comprenez. Demain, je finirai cette lettre. Je l'espère. Portez-vous bien. Je vous aime.